attirée par un regard. Et puis un peu après, un pas vers moi. Tranquille dans mon coin avec mes gars, célébrant la vie et nos exploits, essayant de lire dans son regard. Mais pourquoi cette tristesse qui l'empare, marchant dans le vide, le désespoir. Tout doucement elle murmure, por favor, take my hand, take me away for one day. Sa lumière intérieure sur mes bras, faire un grand bonheur, elle te guidera. Souris de ton cœur, elle le saura. Tout doucement elle murmure, por favor. Mon goudron, je te cogne ton califourchon. Promenade dans mon fourgon. GM, Harrison Ford, Magazine Forbes, Matt Damon Bourne, sitting on the top des billboards. Tortue ninja dans mes igous. Grand slam, Babe Ruth, fuck you, pay me. Nas, Biggie, Jay-Z, hippie, hippie, yeah. Agent FBI ou agent de la CIA est venu mitrailler le poulailler. G.I. venu maîtriser le jihad ou combattre les triades. Tom Hanks qui neutralise les pirates. Nouveau visage, Maybelline, maquillage. Oh Lord, j'pense que Jesus Christ porte des Levi's. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. God is American. God is American. Monsieur Pillsbury. Pense à Steph Curry, on tire dessus, mais les projectiles font que m'effleurer. Les méchants, ça me fascine. Sylvester Stallone, Scarface, Khalid, we the best comme DJ Khalid, basketballing. Arabie Saoudite, Wu-Tang, Shaolin, pis le reste, on s'en caoline. Oh. tu ferais bien pour nous écœurer. On connaît le bien, le mal, l'amour pis la haine enragée. J'électro, Chuck Norris, les terroristes, la guerre est érotique, burger patriotique. Le ciel, le panorama, commandité par Nike. Oh lord, j'pense que la NASA est contrôlée par Jesus Christ. Oui, Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. God is American. God is American. Au gars, y'a les Yankees, le sourire de bouche pis les mains pleines. Abraham dans la Lincoln, des billes pour les Clinton, pour construire les pipelines. Pense le ballon, West Scott et Pippin. Dans les cratères, on va faire des piscines. La terre entière, oui, pimpin. Demande-toi pas si qui est le king du building. Quand j'étais kid, j'aimais le M. Grâce au McDo, j'ai compris l'alphabet. Le V à la WWF. J'préférais le fake, bien vendre le vrai. Vrai. Touchdown, j'ai appris les chiffres grâce au football. Si ça fait pas cash, ça fait pas de sens. Nick tes arguments, mon gun blow. NRA, Kevin Costner, évangile selon Paul Walker. C'est pour le père et le fisc. C'est pour le bien de la République. Uncle Sam peut parler en pesos. Uncle Sam peut marcher sur les autres. Uncle Sam peut marcher sur les eaux puis remplacer les aigles par des drones. Les USV pourront jamais crever. T'as beau rêver, ces navires sont trop élevés. Get the money puis le cash puis t'éteins. Alléluia! Pour le copie, le bon, le peace, le love. Pour le métal et pour Metallica. Pour Family Guy, faut que j'envoie mon respect à mon Bouddha. Dieu est un Yankee, pièce titre du dernier album de M. D-Track. D-Track est un gars de l'Outaouais qui fait du bon slam, hip-hop, de la musique très intéressante et, comme on dit en anglais, du spoken words. Spoken words, voilà. D-Track, fort intéressant. Faites ça sur Facebook ou encore sur Google. D à majuscule, Trédillon, T-R-A-C-K, pour découvrir son univers. Je devrais écouter l'album très, très bientôt, là, ces jours-ci, pour en faire un commentaire de disque et vous dire vraiment ce que je pense de ça, mais je m'attends à quelque chose d'assez incroyable. Moi, depuis que je l'ai découvert, j'adore tout ce qu'il fait. C'est vraiment bien fait. Et puis, c'est un gars qui a une très belle poésie dans ses textes et tout ça. Donc, D-Track, le Dieu est un Yankee, pièce titre de son album, dernier album. Je pense que c'est son troisième album. Donc, on va suivre ça de très près. Ça nous amène au bloc instrumental. Et là, le bloc instrumental, je vous parle à nouveau de Sean Ferguson. C'est parce que j'ai réussi à voir des photos de sa présence en Slovaquie. La semaine dernière, je pense, ou la semaine d'avant, je vous disais qu'il allait en Europe de l'Est, en Slovaquie et tous ces coins-là. Et puis, il y a de très belles photos noires et blanches qui a été fait, qui a été déposée par Sean Ferguson sur le Facebook. Allez voir ça sur ma page Facebook, c'est vraiment bien fait. Donc, et puis, les gens là-bas, même s'ils ne comprennent peut-être pas, il n'y a rien à comprendre, ils ne chantent pas. Mais, veut dire, la preuve que la musique est le langage universel, là-bas, les gens semblent très apprécier ce qu'il fait. Je sais, lorsqu'il est passé ici à Penetanguishene, le monde a apprécié également. Donc, c'est un virtuose à guitare de l'Acadie, Sean Ferguson. On va écouter la pièce titre de son album, Résilience, dans quelques instants. Juste vous dire, comme ça, il nous avait dit, lorsqu'il est venu à Penetang, qu'avant de faire de la musique du jazz, de la musique contemporaine, ben il faisait du métal. Du métal! Mais là, il fait de l'excellente musique. Je le suis depuis plusieurs années. Et je suis très content d'encourager ce gars-là parce qu'il est bon en peu près, pas à peu près. Donc, vraiment intéressant ce qu'il fait. Par la suite, on va entendre Blues Andalucci de Cervantes, qui est un autre virtuose de la guitare, mais plus flamenco, si on peut dire, plus latino. Ça fait des années que je connais l'artiste comme tel. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis au moins 2 ans. J'ai lancé une perche à savoir est-ce qu'il fait encore de la musique, est-ce qu'il y a des spectacles qui s'en viennent. Mais ils avaient sorti un album, je pense, au tournant de peut-être de l'an 2000 ou quelque chose du style. Et puis, c'est la pièce titre, Blues Andalucci, qu'on va entendre. C'est vraiment intéressant. Moi, j'adore ça. Et puis, belle énergie. Donc, à savoir, est-ce qu'il fait encore de la musique? J'espère que oui, parce que j'ai bien aimé ce qu'il faisait. Donc, Blues Andalucci de M. Cervantes de l'Outaouais, ça s'en vient dans quelques instants. Mais juste avant, si vous voulez découvrir cet artiste-là, allez faire un tour sur Distribution Plage, www.plage.net, pour mettre la main sur les albums de Sean Ferguson. Il fait de l'excellente musique, excellent guitariste, un gars très sympathique. On l'écoute avec la pièce titre de son dernier album. Voici Résilience, Sean Ferguson. Thank you. Thank you.